Unité 14. Conversation. Écoutez. 1. Monsieur, vous êtes étranger? 2. Oui, je suis italien. 3. Venez-vous en France pour la première fois? 4. Non, j'ai déjà fait un premier séjour. 5. Quand êtes-vous venu pour la première fois? 6. Je suis venu pour la première fois cet été. Répétez. 7. Monsieur, vous êtes étranger? 8. Oui, je suis italien. 9. Venez-vous en France pour la première fois? 10. Non, j'ai déjà fait un premier séjour. 11. Quand êtes-vous venu pour la première fois? 12. Je suis venu pour la première fois cet été. Répondez, répétez. 13. Monsieur, vous êtes étranger? 14. Oui, je suis italien. 15. Venez-vous en France pour la première fois? 16. Non, j'ai déjà fait un premier séjour. 17. Quand êtes-vous venu pour la première fois? 18. Je suis venu pour la première fois cet été. Écoutez. Mademoiselle, vous êtes étrangère? Oui, je suis italienne. Êtes-vous déjà venue à La Plagne? Oui, j'ai déjà fait un séjour dans cette station. C'est votre hôtel? Non, ce n'est pas le mien. Où est le vôtre? Le mien est derrière cette résidence. C'est Plagne Hôtel. Répétez. 19. Mademoiselle, vous êtes étrangère? 20. Oui, je suis italienne. 21. Êtes-vous déjà venue à La Plagne? 22. Oui, j'ai déjà fait un séjour dans cette station. 23. C'est votre hôtel? 24. Non, ce n'est pas le mien. 25. Où est le vôtre? 26. Le mien est derrière cette résidence. C'est Plagne Hôtel. Répondez, répétez. 27. Mademoiselle, vous êtes étrangère? 28. Oui, je suis italienne. 29. Êtes-vous déjà venue à La Plagne? 30. Oui, j'ai déjà fait un séjour dans cette station. 31. C'est votre hôtel? 32. Non, ce n'est pas le mien. 33. Où est le vôtre? 34. Le mien est derrière cette résidence. C'est Plagne Hôtel. Écoutez. À qui sont ces valises? Ce sont les miennes. Et alors, où sont passées les nôtres? Les vôtres? Je ne les ai pas vues. Mais alors, il manque des bagages? Peut-être. Je vais voir dans le car. Répétez. 35. À qui sont ces valises? 36. Ce sont les miennes. 37. Et alors, où sont passées les nôtres? 38. Les vôtres? Je ne les ai pas vues. 39. Mais alors, il manque des bagages? 40. Peut-être. Je vais voir dans le car. Répondez, Répétez. 41. À qui sont ces valises? 42. Ce sont les miennes. 43. Et alors, où sont passées les nôtres? 44. Les vôtres? Je ne les ai pas vues. 45. Mais alors, il manque des bagages? 46. Peut-être. Je vais voir dans le car. Écoutez. À qui est cette robe? C'est la mienne. C'est ta robe neuve? Oui, c'est ma robe neuve. Mais tu es folle! Une robe neuve dans cet état? Tu peux parler. À qui sont ces disques neufs, par terre? Désolée, ce ne sont pas les miens, ils sont à Marie. Répétez. 47. À qui est cette robe? 48. C'est la mienne. 49. C'est ta robe neuve? 50. Oui, c'est ma robe neuve. 51. Mais tu es folle! Une robe neuve dans cet état? Cinquante-deux. Tu peux parler? 53. À qui sont ces disques neufs, par terre? 54. Désolée, ce ne sont pas les miens, ils sont à Marie. Répondez, répétez. 55. À qui est cette robe? 56. C'est la mienne. 57. C'est ta robe neuve? 58. Oui, c'est ma robe neuve. 59. Mais tu es folle! Une robe neuve dans cet état? 60. Tu peux parler? 61. À qui sont ces disques neufs, par terre? 62. Désolée, ce ne sont pas les miens, ils sont à Marie. Écoutez. 63. Voilà, j'ai les billets pour ce soir. 64. Pierre, voici le tien. 65. Françoise, voici le tien. 66. Paul et Jacques, voilà les vôtres. 67. Olivier, as-tu aussi les billets de Monique et de Marie? 68. Oui, voici les leurs. Répétez. 69. Voilà, j'ai les billets pour ce soir. 70. Pierre, voici le tien. 71. Françoise, voici le tien. 72. Paul et Jacques, voilà les vôtres. 73. Olivier, as-tu aussi les billets de Monique et de Marie? 74. Oui, voici les leurs. Écoutez. 75. Ce sont vos places. 76. Voici la tienne, Paul. 77. Voici la tienne, Françoise. 78. Marie et Monique ont-elles les leurs? 79. Oui, voici les leurs. 80. La mienne est ici. Répétez. 81. Ce sont vos places. 82. Voici la tienne, Paul. 83. Voici la tienne, Françoise. 84. Marie et Monique ont-elles les leurs? 85. Oui, voici les leurs. 86. La mienne est ici. Écoutez. Ces disques sont-ils à Paul? Oui, ce sont les siens. Ces revues de jazz sont aussi à lui? Oui, ce sont les siennes. Il te les a prêtées? Oui, il me les a prêtées pour quelques jours. Répétez. 87. Ces disques sont-ils à Paul? 88. Oui, ce sont les siens. 89. Ces revues de jazz sont aussi à lui? 90. Oui, ce sont les siennes. 91. Il te les a prêtées? 92. Oui, il me les a prêtées pour quelques jours. Répondez, répétez. 93. Ces disques sont-ils à Paul? 94. Oui, ce sont les siens. 95. Ces revues de jazz sont aussi à lui? 96. Oui, ce sont les siennes. 97. Il te les a prêtées? 98. Oui, il me les a prêtées pour quelques jours.